Protopunk, t'as aussi les Def. Pour moi, c'est les ancêtres des Bad Brains. C'est des Blacks qui font du punk rock avant l'heure. Rien à voir avec, quand on dit Def, on pense à un groupe de Death Metal, justement, qui a inventé ce style. Ça n'a rien à voir. C'est du Protopunk 70s, très influencé par le MC5. Et eux, ils sont complètement... plus personne. Ils se sont reformés, je crois, il n'y a pas très longtemps. Mm. Mais voilà, un groupe pas très connu. Alors, on a écouté donc The Politicians in My Eyes de Def. Effectivement, on dirait vraiment les Bad Brains. Et les Ramones pendant ce temps-là. Ouais, on va y arriver aux Ramones. Ouais, bah les Ramones, quand même, on pourrait les mettre parce qu'ils ont influencé toutes les vagues punk à eux seuls. Bon, c'est... les Ramones, maintenant, tout le monde portait des t-shirts. Moi, je vois de mes élèves en lycée professionnel, ils ont les t-shirts des Ramones, alors qu'ils les écoutent même pas. C'est rigolo. C'est parce que c'est vrai qu'il y a une esthétique qui doit plaire. Bon, bah les Ramones, il y a tout. Hein. Il y a les Perfectos, les jeans déchirés, les lyriques et les deux accords et demi, on va dire. Hein, la rapidité des riffs, le fait de jouer très très fort aussi, ils vont influencer des milliards de groupes. Hein. Et contrairement à la légende, en fait, pour le compte, c'est rien à voir avec les New York Dolls, la Cam et tout le tintin, c'était des pros en fait. C'est-à-dire qu'avant chaque concert, ils le répétaient deux fois à blanc, c'est-à-dire que le batteur il tapait sur les genoux avec des baguettes, les autres jouaient sans ampli, deux fois avant de monter sur scène, pas de drogue, pas d'alcool, rien, et ils étaient super, le plus straight que tu puisses imaginer. Ça, par contre, je savais pas, mais je sais que Didi était quand même. Oui, sacré, alors Didi, c'était un peu le seul qu'il fallait cadrer, mais. Au niveau de la DOPS, il est allé un peu loin. Hein, mais bon. le Bursturmführer qui leur servait de guitariste et de chef, la Johnny Ramon, lui qui est en plus conservateur, fan de Ronald Reagan et tout le tintin, c'était pas du tout l'image qu'on a du punk gauchiste, on va dire. Non, au contraire, c'était. Alors, ça les a pas empêché d'influencer tout le monde, quand même. On va dire que pour l'histoire du punk, donc. Qui est officiellement 77, la mèche qui sait qui l'allume. Allez, on va dire c'est Azzy Lutskins dans les années 50. Puis quand la mèche elle arrive pas loin de la dynamite, bon, on va dire les derniers c'est les Ramones quoi. C'est l'explosion vraiment, les Ramones. C'est pour ça qu'on peut le mettre dans l'émission Protopunk parce que. Bah clairement. Quand ils arrivent en Angleterre, bon, ils vont faire des émules quoi. Et puis tous les groupes anglais disent à partir du moment où les Ramones sont venus faire la tournée, on s'est tous mis à jouer plus vite. Oui. C'est marrant parce que dans certains pays, par exemple tu prends l'Australie, à la même époque, il y a des groupes comme Radio Berman, qu'on pourrait mettre d'ailleurs dans le protopunk, parce qu'eux ils sont clairement influencés par le rock bruyant de Détroit de la fin des années 60. Ils arrivent 74 quand même, Radio Berman, on peut les mettre dans le protopunk. Et eux, c'est les influences assumées des Stooges et du MC5. aussi un groupe de hard rock. Ça, beaucoup de rock critiques ne le disent pas. Mais quand tu écoutes la musique de Radio Barman, au niveau des riffs, tu sens un vieux groupe de hard rock comme influence qui s'appelle le Blue Oyster Cult, qui a fasciné d'ailleurs la rock critique dite punk des années 70. Et en France, par exemple, les gens comme Yves Adrien, Patrick Deligne, qui écrivait dans Best, qui était le premier à parler du mot punk, déjà en 74-73, ils citaient Blue Oyster Cult. Avec Don't Fear the Reaper. Voilà, on peut mettre Blue Oyster Cult. Bon, alors c'est sûr que l'auditeur va se dire c'est pas du punk, c'est du hard rock. Alors, est-ce qu'on pourrait pas faire un compromis en disant que le Blue Oyster Cult, plutôt que d'écouter l'original, on fait la reprise faite par Clint Ruin et Lydia Lunch. Bah ouais, tout à fait, oui, bien sûr. Ouais. Comme ça, c'est l'auditeur qui écoute du punk rock, il sera content. Super, qui est vraiment dans le truc un peu bizarroïde. Hein, oui, voilà, voilà. Cette version, ouais. Elle est. Don't fear me, Bah, parce qu'ils ont comment. Voilà ce que je disais. Il y a des gens qui sont étonnés que, voilà, que Lydia Lunch, elle ait écouté Blue Star Cult. Bah, Lydia Lunch, elle a commencé par quoi? Il fallait bien commencer par des choses. Voilà. Voilà, dans les années 70, tu cherchais des trucs qui étaient un peu à contre-courant au niveau de la musique. Bon, bah, Blue Star Cult, c'est un peu ça. Parce qu'ils avaient une imagerie anti-hippie. Ils avaient une imagerie, ils avaient des lyriques même qui se sont fait traiter de nazis, tu vois, hein, les fameuses croix gammées que les punks vont porter après, imagerie évidemment qui peut être ambiguë, hein. Mais c'était pour choquer le bourgeois. Et ben, Blue Star Cult, ils avaient des lyriques, ils étaient dans l'occultisme, ils étaient dans des délires qui n'étaient pas du tout dans le peace and love des hippies, quoi. C'était rien à voir. C'est pour ça qu'on peut leur attacher aussi au proto-punk, du moins dans l'état d'esprit. Après, Blue Star Cult, bon, ils ont influencé des groupes de hard rock aussi, hein, c'est sûr. Bah, puisqu'on était dans le métal, à la limite, allez, Black Sabbath, Paranoid quand même. Parce que, puisqu'on parle de Blue Star Cult, il y a un groupe, bon, alors Black Sabbath, en 77, attention, hein, Black Sabbath est vu comme un dinosaure, c'est du rock stadium, les punks crachent sur Black Sabbath, mais Sid Vicious était un fan de Black Sabbath, Johnny Rotten était fan de Black Sabbath, les Dickies ont repris Black Sabbath, je veux dire, bon, ils avaient un son lourd, bon, c'est bien sûr les canons du heavy metal, on n'aime pas, moi je sais qu'il y a des punks qui n'aimaient pas Black Sabbath, mais moi je pense quand même, Ozzy Osbourne l'a dit plus tard, on n'avait rien à voir avec les hippies, c'était une imagerie satanique, qui va influencer évidemment une longue lignée dans le métal, hein, hein, le speed, le thrash, le punk, le black metal, qui se rapproche un peu du punk aussi, bon, au niveau de l'état d'esprit, bon, ben voilà, Black Sabbath, c'est quand même, c'est pas Joan Baez, hein, c'est pas Janis Joplin, c'est pas, ça allait contre ça aussi, hein, bon, voilà, et puis ça, ils avaient une imagerie beaucoup plus gothique aussi avant l'heure, on va dire, qu'un Deep Purple ou un Led Zepp. Alors, à la même époque, 68, aux États-Unis, il y a un groupe qui s'appelle Blue Shear, un trio de bikers, qui C-H-E-E-R, qui va reprendre le fameux titre d'Eddie Cochran, mais ils vont le massacrer avec beaucoup de décibels. Et un jour, durant leur concert, les frères Ashton des Stooges qui vont être impressionnés par le mur du son des Blue Shear, qui font une sorte de hard rock furibar à l'époque, teinté un peu de psychédélisme, et qui va influencer un peu le punk rock, hein, voilà. Bah, qui va influencer un groupe évidemment qui est entre les deux, hein, c'est le Motorhead. Voilà. Était très très lourd, un côté hendrixien mais en plus primaire, voilà. Et c'était le groupe le plus lourd de l'époque, voilà. Et eux aussi, ils sont arrivés en Californie, alors bon, ils ont un peu choqué les hippies au départ, même si Janis Joplin aimait ce groupe, elle traînait avec eux, mais au niveau de la musique, je pense qu'ils ont influencé, eux c'est la défense, hein, c'est la défense au niveau musical, mais des chansons lourdes, ferrailleuses, qui vont autant influencer le punk rock que le hard aussi. Hein. Mais le hard rock dans son aspect le rêche, on va dire. Et on a failli oublier quand même le principal, n'est-ce pas, David Bowie. Bah David Bowie quand même, oui, parce que bon, David Bowie, il y en a qui, alors, c'est toujours pareil, il y en a qui disent que c'est un opportuniste, il y en a qui disent qu'il a créé des modes. Bowie déjà dans le look, il annonce le punk, hein. Il est carrément transgenre sur l'album de Man Who Sold the World. C'est un fan absolu de Lou Reed. Hein, il va lancer des artistes proto-punk comme Lou Reed et Iggy Pop. Ça, c'est des choses qui sont assez connues. Et puis il a le look pirate à l'époque de Rebel Rebel, hein, qui annonce un peu le proto-punk par son riff un peu entêtant là. Et il a un look presque qui va annoncer Adam and Dance. C'est clair. puis à l'époque, il y avait aussi effectivement Roxy Music qui a quand même influencé aussi quand même. Avec un morceau comme Virginia Plain aussi, qui a été repris d'ailleurs par les Sounds, si ma mémoire est bonne. Ouais, alors Roxy Music, dont avec ça va être plutôt le côté toujours comme Bowie d'ailleurs, le Velvet, c'est le côté arty, je dirais, du proto-punk. Et dans Roxy Music, il y a l'incroyable personnage de Brian Eno qui va faire des disques d'ailleurs, une carrière solo, bah, l'ambient, tout ça, donc plutôt arty, puis qui va influencer des vagues comme un peu bizarres comme la No Wave à New York, hein, puisqu'il va produire l'album, la compilation No Wave, avec des artistes comme Lydia Lunch. Donc Roxy Music qui est l'aspect glam rock. Alors autant les New York Dolls, c'est le côté stonien décadent, eux c'est le côté décadent intellectuel, on va dire, à l'époque. 73. Alors du coup, on était parti un peu dans une optique, une optique chronologique, mais ouais, là on revient. Fait vite, mais là on va revenir un peu en arrière. Ouais, on a oublié quand même un classique, un groupe classique du rock des années 60 en Angleterre, les fameux Kinks. Dans leur riff très répétitif, You Really Got Me et d'autres, ils annoncent déjà le punk rock, voire même l'hard rock aussi. Hein, surtout sur You Really Got Me. Oui. Ça tient. Sinon, All Day et All of the Night qui va être repris par les Stranglers. Groupe punk des années 70. Enfin, post-punk. Et moi, j'ai une petite faiblesse pour celui-ci, là, I'm Not Like Everybody Else, parce que ça amène un petit côté pop qui va être repris et qu'on peut retrouver, par exemple, comme influence pour les Buzzcocks, par exemple, typiquement. Ouais, les Buzzcocks, puis Johnny Thunders aussi, c'est un grand fan des Kinks. Donc, les Kinks, ceux qui sont. Bref. Là, on est dans le Graal, hein, je veux dire, c'est au niveau pop. Moi, j'adore l'album Village Green. C'est pour moi l'album pop par excellence, quoi. Pour moi, plus fort que les Beatles. Enfin, pour moi, hein, bon, voilà. Mais les Kings, oui, c'est vrai. Bon, ils ont commencé, ils ont fait de super albums pop. Ils ont commencé, on l'oublie, par des sons très garage qui vont influencer donc la scène garage américaine surtout. Puis après tout ce qui va découler, quoi, jusqu'au punk. Sorti du côté chronologique, on va retourner de l'autre côté de fin des années 70, après les fameux Rockets from the Tombs qui venaient de Cleveland. À la suite, David Thomas, qui était dans les Rockets, va faire Père Ubu. Un groupe Père Ubu, ça annonce déjà le post-punk. Final Solution, par exemple, en 1976. Ouais. Ça annonce le post-punk. Ils étaient très influencés par des trucs barrés comme Captain Beefheart. Et Père Ubu vont influencer pas mal de groupes post-punk, industriels, la No Wave. Ils vont influencer toutes ces vagues-là, hein, pour leur côté un peu expérimental. Touch me 'cause I've got a misdirection. quand tu prends un groupe comme Bauhaus, qui a quand même été le... c'est pas vraiment du punk parce que c'est venu après le début du gothique, mais tu ressens toutes ces influences, le Père Ubu, le David Bowie avec la reprise de Ziggy Stardust, le Brian Eno avec la reprise de Third Uncle et tout ça, et on voit qu'il y a ce mélange là, c'est fait quand même assez facilement, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'était une année zéro en fait, 76 et 77 qui ont été partis de zéro, mais en fait c'est pas du tout le cas. J'espère qu'on vous l'a montré depuis qu'on a commencé cette émission. Il y a des choses qui se sont faites bien avant et qui ont été assimilées par rapport à ça. D'ailleurs, un truc qui m'a marqué, c'était Johnny Rotten en 77, donc juste à la sortie de l'album, avait été invité sur une mission à la BBC, et en fait il avait montré tout ce qu'il écoutait, et en fait c'était pas du tout ce que les gens attendaient. C'est-à-dire qu'il est passé du Captain Beefheart effectivement, mais il est passé du Can et toute la vague krautrock allemande en fait. Voilà, il y a aussi la vague krautrock, puis on a oublié celle-là, Neu. Neu carrément, c'est quand j'écoutais Neu la première fois, c'était je vais pas faire le fanfaron, ça date au début des années 90, à l'époque où j'écoutais, je m'intéressais à toute cette vague krautrock. À l'époque, moi je voyais ça comme des trucs de hippie, en fait c'était autre chose quand même, bon, on va pas tout mélanger, mais quand j'écoutais des groupes comme Neu, j'avais l'impression d'écouter du Peel. C'est à dire que Neu et d'autres groupes de krautrock ont influencé non seulement le punk mais aussi le post-punk, et c'est vrai, comme tu le disais à l'instant, c'est vrai que un personnage comme John Lydon, le leader des Sex Pistols, c'est marrant parce qu'autant à l'intérieur des Sex Pistols, tous les autres ils étaient influencés par les Who, les Small Faces, ils avaient des racines mods, on va dire. Alors que John Lydon, il s'en foutait de ça. Lui, il était déjà branché krautrock, des groupes comme Neu, Can, tu disais Can, et Can qui vont influencer donc le punk et surtout le post-punk, tout ce qui va suivre. Donc Neu, c'est allemand, c'est le krautrock, c'est dans les années 70, c'est des groupes qui expérimentent, qui sont très influencés autant par le free jazz, par le psychédélisme, mais aussi par des formations comme le Velvet Underground. Toi, tout seul. Et après, c'est vrai qu'il y avait une grosse vague, et après on écoutera. On écoutera aussi Cannes, et peuvent alors autant le morceau de Noy qu'on va écouter, c'est un truc un peu bruitiste, autant celui qu'on va écouter maintenant là, de Cannes, c'est plutôt non, c'est d'ailleurs, c'est même pas Cannes d'ailleurs, c'est Faust de Sad Skinhead en fait. Oui, parlez, je me suis trompé. Ça arrive. Et c'est la même bande en fait. Hein, et donc du coup, bah, de Sad Skinhead, c'est vraiment un côté pop minimaliste qui essaie. Improbable en fait pour l'époque, parce que maintenant il y en a beaucoup qui font ça, mais. Et en plus, surtout, il faut se remettre dans le contexte des années 70, à l'époque où c'est les grands solos qui n'en finissent pas, où c'est le rock pompeux à la Queen, où c'est le progressif, on en parlait, de Yes, de Genesis, t'as des groupes allemands qui sont à l'antithèse, des groupes que je disais à l'instant. Hein, c'est vraiment pas d'emphase, on invente une sorte de nouvelle pop un peu mutante. Après, donc du coup, toujours dans ce même truc, on va se faire un petit Cannes aussi de Outside My Door. Qu'est-ce que tu peux en dire de celui-ci, de ce morceau? Les premiers Cannes, ils sont un peu influencés autant par le Velvet. Alors, Cannes, c'était c'est sûr que quand on parle de proto-punk, c'est un peu marrant, parce que parler de Cannes à un créteux, par exemple, à un punk avec une grosse crête, il va dire qu'est-ce que c'est cette musique, quoi. Non, mais Cannes, c'est vrai qu'ils ils sont dans la tradition du Velvet, le côté un peu expérimental. Puis c'était des vrais musiciens, quoi. Ils étaient baignés dans la musique contemporaine, c'était des fous de Stockhausen, ils étaient en recherche permanente. Voilà. Puis le punk, c'est casser les règles. Voilà. We'll be right back. Alors, on change encore une fois, c'est-à-dire que là, on part de l'Allemagne à peine dénazéifiée, moyennement dénazifiée, d'ailleurs, on va dire, si on en lit les biographies de tous ces gens de l'époque, où en gros, tous les profs de l'école étaient encore des anciens nazis. Et là, on retrouve dans l'Angleterre, justement, qui a été traumatisée, dont les parents des punks ont été traumatisés par les bombardements des nazis, pour faire un lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a plein de groupes qui vont arriver, ce qu'on va appeler les groupes de pub rock, dans les années 70. Bon, c'est pas punk, c'est-à-dire que eux, ils veulent revenir aux racines du rock'n'roll originel, on va dire. Le groupe le plus connu de cette vague-là, c'est les Dr. Feelgood. Je les ai vus en concert il y a pas très longtemps, du côté d'Avignon. C'était sympa à voir. Moi, je les ai vus il y a une vingtaine, trentaine d'années. C'était bien aussi. Alors, ils développent une énergie. Ils ont une attitude qui n'a rien à voir avec les hippies, puisque eux, ils dégagent une certaine un trip rock'n'roll de base, mais avec des chansons courtes. Ils reprennent pas mal de standards 50s et 60s. Puis ils avaient un frontman hors pair, qui c'était Lee Brio, leur chanteur. Et le guitariste Wilco Johnson, qui quand même était le seul guitariste de toute cette période à jouer sans médiateur. Ah oui, c'est vrai. Un peu comme Mark Knopfler, mais en mieux et en moins chiant. Et en beaucoup, beaucoup moins chiant. Thank you very much. Well, I should leave you with this one now because it's time to say goodnight to you. And it's called Roxette. Thank you. Good night. One. Et tout ça, le pub rock, il y en avait un paquet. C'est vrai que quand on voit les... La vague punk, en fait, elle a été quand même... c'est un peu comme... si on parlait des dinosaures, ils sont éteints. Et la météorite qui est tombée et les mammifères sont venus. Mais là, entre le pub rock en Angleterre et le punk rock, ça s'est chevauché petit à petit. Oui, parce que tu avais les fameux groupes là, au nom provocateur, London SS. Alors, London SS, c'était le premier groupe de Mick James. Il y avait les futurs membres des Clash. Mais à la base, ils faisaient du pub rock. Exactement. Et quand ils ont vu les Sex Pistols en concert, la légende dit que Mick Jones ou Joe Strummer, ils jouaient déjà dans London SS, je crois. Joe Strummer, lui, jouait dans les 101. Ah oui, tout à fait, ouais, pardon. Mais Mick Jones, quand il va voir les Pistols, mais Joe Strummer aussi, parce qu'il vient du pub rock, tout lui. Ils vont voir les Pistols, mais oula, ils vont se dire, ben, en concert, ils vont se dire, mais là, il y a une violence. Voilà, ils vont rajouter à leur pub rock une violence qu'il n'y avait pas dans le pub rock. Exactement. Voilà. Et à l'époque, par exemple, il y avait Eddie and the Hot Rods qui vendait des piles de disques. On va écouter Do Anything You Wanna Do. Alors c'est vrai que ça fait plus rock classique, mais c'était vraiment la bande son de l'époque avec les Roxy Music et les David Bowie après quoi. Oui, sauf que eux, ils étaient plus prolo. Mmh. C'était pas les artis comme les Glamour de Bowie ou Roxy Music. Indian Hot Rods, ils arrivent un peu après quand même. Et puis c'est voilà, le pub rock, ça veut dire voilà, on fait du rock dans son pub. C'est un peu péjoratif maintenant de dire ça. Hein. Ah, c'est un peu comme alors que, à l'époque, maintenant, on les réhabilite ces groupes parce que bon, c'est des groupes qu'on. Oui, alors dans les années 60, il y a quand même le fameux groupe Les Doors. Alors Les Doors, c'est un cas parce qu'il y en a qui vont me dire « Ah, mais ça n'a rien à voir avec le punk, ni le proto-punk. » Ils dégageaient quand même une imagerie qui avait rien à voir avec les hippies, quoi. Hein. C'était pas Crosby, Stills, Nash & Young. Hein. C'était autre chose. D'ailleurs, Les Doors, ils avaient, bon, bien sûr, il y a beaucoup de hippies qui adoraient ce groupe. Hein. Mais Les Doors, dans leur attitude, la poésie de Jim Morrison, le pantalon en cuir noir, ils étaient influencés aussi par le garage rock, par les Seeds, le lien avec les Seeds, voilà. Et puis Iggy Pop, je reviens toujours à Iggy, quand il a vu Les Doors, bon, bah, il a dit je vais faire ça aussi, hein, je veux dire, ça l'a traumatisé. Voilà. On mettrait quoi alors du coup pour... Bah, moi je pensais des choses un peu garage entre Guillaume et Love Me Two Times ou des choses comme. Love Me Two Times. Ouais. Que la première fois que j'ai entendu, pour être tout à fait franc, c'était une version reprise par OTH. Ben oui, et voilà. Et puis voilà. Pour puis, ça, fait, on n'est pas si alors, loin que ça, en fait, si tu veux savoir, les Doors, ça a influencé peut-être pas la vague punk. Parce que ce qui énervait chez les punks, c'était les stars. Bon, et c'est vrai que tout le culte de la personnalité, moi ça m'emmerde, hein, de Jim Morrison. Bon, je suis allé à la tombe de Jim Morrison parce que moi je suis un fan absolu des Doors, hein, personnellement. Mais je comprends les punks qui disent ouais, Jim Morrison, ce côté un peu poésie, un peu post-ado ou ado, tout simplement. Bon, ça peut énerver, hein, je peux comprendre. Mais ils vont surtout influencer le post-punk. C'est-à-dire, Ian Curtis, un taré de Jim Morrison, et Cohen de Bunnymen vont écouter les Doors, ils vont même les reprendre, de façon un peu lourdingue d'ailleurs. Enfin bref. Et puis Julian Cope, c'est un fou des Doors. On voit les Stranglers, ils étaient influencés par les Doors. Tu peux faire une généalogie au niveau des Doors qui est impressionnante. Peut-être pas la vague punk, encore que, on peut retrouver, mais surtout, moi je pense, tout ce qui est la New Wave, tout ce qui va sortir dans les années 80 ou fin années 70, beaucoup de groupes vont se référer aux Doors, comme le Velvet évidemment. Tout à fait. pensais pour finir, un truc qu'on, il y en a quand même un qu'on a oublié. Enfin, deux, je dirais, en fait. Bah, on va retourner. Y a ouais. Deux que je pense spontanément, c'est tout. Bah, c'est les. C'est les gens de, des New Yorkais Television et Richard Hell. Oui. Par exemple. Mais je pense aux Dead Boys aussi. Dead Boys. Bah tiens, parlons des Dead Boys. Les Dead Boys, donc. Alors, bon, c'est la vague 77, mais en même temps, Bators, il a déjà, à l'époque, il mentait sur son âge. Mm. Il disait à tout le monde qu'il avait 20 ans, alors qu'en fait, il avait 24 ans. Le bonhomme, déjà, il était de. Je crois qu'il est de 49. Hein. Mm. Et donc, on peut le mettre, il est de la génération de ses idoles, Alice Cooper et Iggy Pop. Donc, Bators. Qui forme les Dead Boys avec des anciens Rockets from the Tombs. Et bon, pour moi, c'est. On retombe encore sur nos pieds, du coup, quand même, avec les Dead Boys. Alors, les Dead Boys, pour moi, c'est le plus grand groupe punk rock de tous les temps. Ils avaient tout. La provocation sur scène, ils arrivaient avec des croix gammées. Bon, ils avaient un jeu de scène ultra violent. Tout pouvait arriver sur scène. Et puis, ils avaient leur album Young. Loud and Snotty, je ne sais plus comment c'est le titre de l'album, je ne l'ai plus en tête, comporte des hymnes comme Sonic Reducer. Ils avaient un son garage high energy stoogien qui m'a beaucoup interpellé. À l'époque, on me disait, tu préfères les Sex Pistols ou les Clash? Moi, j'ai répondu les Dead Boys. Moi, personnellement, je suis plus punk rock américain. Ouais. Parce que ça, tout ça vient des sons garage des 60s. Quoi. Et puis sur scène, c'était Steve Bators, il fallait voir. Hein, c'était un frontman assez délirant, hein, bien déjanté. Puis plus tard, il a formé les fameux Lords of the New Shore que j'ai raté deux fois à l'époque. Je m'en veux tout le temps. Chaque fois, je sais pas pourquoi, j'ai pas pu les voir. Au dernier moment, j'ai pas pu les voir. Enfin bref. Et elle avait sensiblement à la même époque aussi, toujours à New York, où il y avait un que j'adore, ouais, c'est Richard L. Ouais, bien sûr. Les Voidoids avec le Blank Generation, qui, si moi je devais trouver un truc qui fasse vraiment punk, oui, c'est Blank Generation. Oui. C'est clairement la génération du vide. Ouais. Et puis Richard L avec son look punk, quoi, on va dire. C'est lui qui crée le look punk 77, on va dire. Hein. Bon, il y en a qui. Les historiens se battent par rapport à ça. Il y en a qui disent que c'est lui, d'autres qui disent que c'est les Sex Pistols. Bah, surtout, mais en fait, les Anglais, pour avoir vu une interview de Glenn Matlock, ils disaient qu'en fait, quand Malcolm McLaren leur a présenté John Lydon, il a dit mais c'est qui ce sosie de Richard Hell quand même. Donc c'est vraiment c'était lui qui a traversé le travers. La façon de chanter de John Lydon, Johnny Rotten, le jeune leader des Sex Pistols, il y a un peu cette voix un peu moqueuse que tu retrouves dans Noy, le groupe Cant Rock, mais aussi dans Richard L. C'est ça. Et puis un autre aussi de la même époque, parce que Richard était pas loin, c'est quand même Television. Ouais, Television. Alors, moi, je t'avouerais qu'à l'époque, la première fois que j'ai écouté Television, j'ai pas accroché, je trouvais ça un peu hippie, entre guillemets. En fait, je comprenais rien, parce que c'est très bon, Television. C'est au niveau des guitares, il y a les duels de guitares sur le premier album, Marky Moon, qui sont fantastiques. Et puis, il y a. Et justement, c'est pas du tout punk, en fait. Ouais, mais c'est pas les Ramones, c'est pas l'aspect bruitiste, rock et high energy à la Ramones. Ou les Heartbreakers, mais Television, c'est le côté un peu arty qui est dans le sillage du Velvet, mais avec toujours ces duels de guitare que j'ai beaucoup apprécié. C'est un album Marky Moon. Voilà, au départ, j'ai détesté la première fois que j'ai écouté. Ouais, parce que moi, quand on me dit punk à l'époque, moi j'attendais un côté speed à la Ramones, tu vois. Je dis, mais c'est quoi ce disque? Puis en fait, tu le réécoutes, puis après, tu as d'autres influences quand tu grandis, tu écoutes d'autres courants, etc. Et en fait, tu t'aperçois que ce disque, il est majestueux, quoi. C'est un disque phénoménal, quoi. Et d'ailleurs, c'était marrant, mais je comprenais pas pourquoi les vieux rock et folk, les vieux rock critiques des années 70-80, ils mettaient toujours Television parmi leur album culte. Ouais. Mais je peux comprendre maintenant. Avec le recul, ouais, sûrement. Et je pense qu'on va, ça va être la fin. On va finir sur Marc Limone. Alors du coup, comme c'est un morceau quand même assez long, il fait 10 minutes, donc c'est un bon truc pour finir l'émission. Et je pense qu'on se retrouvera sur. Ouais. Bah parce qu'on n'a pas tout dit. On n'a peut-être pas été exhaustif. On a essayé de voir que, ouais, que le proto-punk, pour résumer, donc ça annonce le punk rock qui commence. On va dire en 77, je le répète, mais le protopunk était influencé par plusieurs sous-genres qui allaient, j'allais dire, du ska rocksteady pour les futurs specials, jusqu'à un peu le hard rock, hein, mais le hard rock, je dirais, Fury Bar à la Blue Cheer MC5, en passant par des choses plus arty comme le Velvet et puis le rock'n'roll originel comme Agile Atkins et voilà. Et ben donc merci Dominique, je pense qu'on en refera d'autres, des thématiques comme ça peut être pas mal, sur des c'est particulier. J'espère que ça a donné envie à nos auditeurs, parmi les plus jeunes, de découvrir ces vieilles musiques. Les plus vieux, parce qu'il y en a qui confondent tout. Ça peut arriver aussi. Ouais. Donc il y aura bien évidemment toutes les références de tout ce qu'on a passé sur le site de l'émission. Donc merci, on vous laisse en bonne compagnie avec Television. Allez, au revoir. Hesitating.